êtes l'heureux propriétaire d'un smartphone, d'une tablette numérique ou encore d'une montre connectée, mais vous n'arrivez toujours pas à être joignable en toutes circonstances, découvrez le nouveau... Ah pardon, c'est mon téléphone, un message de ma mère. Tu as reçu mon mail ? Bon, je verrai ça après, je le coupe. Voilà, on y retourne, José. Vous souhaitez rester connecté avec vos proches, mais... Ah, excuse-moi, José, j'avais pas mis ma Pineapple Watch sur silencieux. Allô, maman ? Oui, non mais j'enregistre là, je te rappelle après. Oui, j'ai reçu ton SMS. Non mais je te rappelle. Bon, j'en étais où là ? Ah oui. Vous souhaitez pouvoir répondre à tout moment. Mais c'est quoi ça ? C'est moi encore ? Ah ouais, t'as raison, c'est mon poodle pad qui m'appelle. Allô, maman ? Mais je t'ai dit que je te rappellerai après. Quoi, ton mail ? Mais je sais pas si je l'ai reçu, j'ai pas regardé. Et puis tu m'appelles pour me dire que tu me l'as envoyé. Bah dis-moi directement ce que t'as écrit alors. Maman, c'est bon, je l'ai reçu, je le lis et je te rappelle. Excuse-moi, je vais le mettre en mode avion là, ça sera plus simple. Non mais c'est pas vrai ! Mais qui a rebranché mon téléphone fixe, bordel ? Allô ? Mais maman ! Mais laisse-moi le lire avant de te rappeler ! Bref, vous voulez rester joignable 24h sur 24 ? Offrez-vous le nouveau... Non mais, vous voulez vraiment rester joignable 24h sur 24 ?